Salut, salut, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif, pour une émission spéciale rock progressif flamenco ou rock progressif andalou. Petite piqûre de rappel. L'Andalousie, en 1492, juste avant la chute de Grenade, est un pays où fleurent bon la culture et la tolérance. S'y mélangent de façon harmonieuse trois religions, le judaïsme, le christianisme et la religion musulmane. Et tout ceci bénéficie à la tolérance et bénéficie à l'avancée des arts, des lettres et des techniques. Ces gens-là vont inventer l'algèbre, c'est pas pour rien que ça commence par Al. L'alchimie, c'est pas pour rien que ça commence par Al également. Et donc créer une civilisation originale et forte qui, elle, est bien en avance par rapport au reste de l'Europe qui, lui, dort dans un Moyen-Âge bien sauvage. 1975, de l'autre côté des Pyrénées, c'est le décès tant espéré du général Franco. C'est le retour de la démocratie et c'est là que démarre une grande vague de créativité et de liberté. Je veux parler de la Movida. La Movida, eh bien, elle profite également au rock et notamment en Andalousie et plus particulièrement à Séville. À Séville, trois jeunes gars décident de créer une nouvelle formation pour un nouveau style. Je veux parler de Triana. Triana, en 75, produit leur premier album intitulé El Patio, suivi en 77 de Hijos de la Gobio, les fils de l'angoisse, pour culminer avec Sombra y Luz, l'ombre et la lumière en 79, pour un total de 10 albums qui va marquer définitivement le rock progressif espagnol. Je vous propose un extrait de ces trois albums avant de passer ultérieurement aux héritiers de Triana. Tout de suite, Triana. Thank you. cosa que no quieres callar. Por la calle y los caminos se viene la madrugada y la guitarra a la mañana la habló de hey! 1983 est une sale année pour le rock progressif andalou, puisque Jesús de la Rosa, qui est le créateur et fondateur de Triana, eh bien, meurt dans un accident de voiture. Eduardo Rodríguez et Juan José Palacios essayent tant bien que mal de poursuivre l'aventure, mais ce sera de déconvenu en déconvenu. Le groupe existe toujours, mais malheureusement, il est loin des splendeurs du début. Arrive à ce moment, originaire de Cordoue, Medina Azahara. Medina Azahara, c'est un clin d'œil à une superbe villa. Premier album de 79 intitulé Paseando por la Mezquita, en se promenant par la Mezquita, qui est la mosquée de Cordoue. Medina Azahara existe toujours, c'est même un groupe phare actuel qui a durci un peu le son et le ton par rapport à ce que faisait Triana. Les guitares sont un peu plus acérées, certaines compositions des fois sont un peu plus pop et un peu moins progressives, mais qui méritent quand même l'écoute. L'écoute, eh bien, on va écouter justement le Paseando, et suivi un album de 89 intitulé En Al Hakim. En Al Hakim, qui est une allusion d'ailleurs au Coran et au sage et le juge, au sage et au juge. Tout de suite, Medina Azahara. Mais revenons à 77 avec Azahar. Azahar n'a rien à voir avec Medina Zahara, A-Z-A-H-A-R, est un groupe de Madrid. Il produit deux albums, avec un premier album qui s'intitule Elixir de 77, qui est un concept album qui tourne autour de la sorcellerie et de la magie. Eh bien, je vous propose un extrait de Azahar. Tenía yo una amiga, tomaba humo de reír, pa' cuando estemos caídos, le volvieran las ganas de vivir. O fumar el regalito de... me dio. Al que resistió lo mataron y a otro el juez lo condenó. Pero qué malo hay, pero qué malo hay en fumar, señor juez. Pero qué malo. Pero qué malo hay en fumar, ay, señor juez. Y un hombre que estando borracho así abusó de su autoridad, y un vecino que en su borrachera a su señora la mató de una puñalada, y unos chicos que estaban fumando a pocas manzanas. Le tocó salir, pero qué malo hay, pero qué malo hay en fumar, señor juez, pero qué malo hay, pero qué malo hay en fumar, ay, señor juez. En 1979 apparaît une formation intitulée Alameda. Alameda, c'est un groupe qui vient de Séville, qui va sortir tour à tour 7 albums. Le premier donc de 1979 est à mon sens le plus réussi. Tout de suite, Alameda. La luna se levanta tiento a tiento, suenan sones palmas y queja. Un manto de cristal al firmamento, hay susurros que la noche deja. Soledad, Ernesto, hija mío, campanilla en trino. On a vu que mesquita voulait dire donc la mosquée celle de Cordoue qui est splendide. Eh bien, c'est également le nom d'un groupe de Cordoue précisément, auteur de deux albums. Un premier album qui est aussi le plus réussi, Recuerdos de mi tierra, des souvenirs de ma terre. Tout de suite, mesquita. We'll be right back. tarde de abril salieron juntos los dos. Y las estrellas a su alrededor. La tierra Retournons à Madrid avec Guadalquivir. Guadalquivir, pour ceux qui sont forts en géographie, c'est un fleuve qui traverse l'Andalousie. Ce groupe de jazz fusion va produire 5 albums. Je vous propose leur tout premier qui date de 79. Guadalquivir. Thank you. Partons maintenant à Cadiz. En 1980 arrive un nouveau groupe intitulé Kai, C-A-I. Et cette formation, auteur de 4 albums, produire notamment en 80 un premier opus vraiment très très beau, Noche Abierta, Noche Abierta qui veut dire la nuit ouverte. Thank you. Vous allez me dire, on reste dans les années 70 et 80, et qu'est-ce qui se passe maintenant ? Plus récemment, une formation de Séville vient taper à la porte du progressif andalou. Cette formation s'intitule Zaguan, Z-A-G-U-A-N. Et donc tout de suite, un extrait de Zaguan, qui est auteur de deux CD, je le rappelle, originaire de Séville. Un album intitulé tout simplement Zaguan, est daté de 2002. Solo una niña se asoma L'histoire de Mantra est une histoire assez fréquente. Ce groupe originaire de Cadix n'avait pas pu, malgré son talent, enregistrer son album. Ils avaient pourtant ouvert plusieurs fois pour notamment Triana. La formation rentre aussitôt en studio pour enregistrer en 4 prises un album. Puis elle démarche les labels, mais sans succès. Le temps passe. En 1998, elle retrouve quelques traces de ses enregistrements puisque les bandmasters ont été perdus et mettent ceci à disposition des fans sur Internet. En 2012, une association sans but lucratif a la très bonne idée de coucher ceci sur un CD et le mettre à disposition d'un large public. C'est ce qu'on va écouter maintenant, un album intitulé tout simplement « Mantra ». We'll be right back. Camar est une jeune formation qui vient de publier son premier opus intitulé très justement Todo Empieza Aquí, tout commence ici. Une formation originaire de Jerez de la Frontera et donc publiée par un label chilien. Voilà, je pense que ça mérite d'être souligné. Thank you. Je parlais de l'héritage de Triana, et bien sûr, Medina Hazara a publié un somptueux hommage des covers du groupe phare de Séville, donc de Triana, avec un album intitulé « Se abre la puerta », on ouvre la porte, un album sorti en 2007, et je vous propose la reprise avec un son très moderne, vous allez voir, de « El Lago », le lac, qui est un des classiques de Triana. Tout de suite, Medina Hazara. Su aroma, su talento. El día que yo salí en busca de mi vida y de mi yo, algo grande sentí en mí cuando miré atrás y dije adiós. Homenaje a De La Rosa y a los amantes de la vida y del amor. Oh, oh, oh. 3 albums au compteur pour Vega, une formation dite de Madrid, en réalité de Badajoz, une ville proche de la frontière portugaise. Une formation créée par Thomas Vega, le guitariste. 3 albums, le premier le plus prog, et je vous propose un large extrait de ce premier opus intitulé Andaluza avec un Z et daté de 78. Thank you. On termine cette émission spéciale rock progressif andalou avec un extrait d'un poème d'Antonio Machado. Viejos olivos sedientos, bajo el claro sol del día, olivares polvorientos del campo de Andalucía. Et également une petite dédicace à Manuel, Manuel, mon ami de Barcelone. Hasta luego, amigo. Ainsi s'achève Prog à part, l'émission du rock progressif et la version sonore d'Acide Dragon présentée et proposée par votre humble serviteur Thierry Sportouche avec le soutien logistique de Roland Rock. Je vous donne rendez-vous dans un mois et puis d'ici là, suivant la formule consacrée, tenez tati, take care, stay safe. Bye bye.